Cette semaine-là, j'allais commander le livre du Padre Pio à la librairie et quand il me fut livré, je l'expédiai à la bibliothèque municipale. Je joignis au paquet un petit mot à l'attention de Madame Fargeau, un petit mot signé Roberts, qui présentait ses excuses pour avoir égaré le bouquin. Je m'étais appliqué à une écriture dans les règles, digne de mon petit moineau. Parfois, le matin, on sonnait à la porte, j'ouvrais, et c'était toujours Madame Maréchal venue prendre des nouvelles, une part de quiche ou de tarte aux poireaux dans la main. Et quand elle ne venait pas, Monsieur Maréchal prenait la relève. Un ancien flic. Décidément, la frontière entre les deux camps devenait friable. Ils ne voulaient pas me laisser trop seul avec ma souffrance, les maréchaux. Colette était revenue et cette fois j'étais prêt. De la gare, plutôt que de la ramener à la maison, je l'avais entraînée par les rues de la ville et nous avions refait ensemble le parcours que Madame Roberts et moi faisions au temps de la Félicité, quand rien ni personne ne venait contrarier notre bonheur, quand nous ne savions pas. De mère de substitution, Colette était devenue amoureuse de substitution, un subutex générique, sans danger pour la morale. Je lui avais tout avoué, au fil de l'errance, tout dit de notre rencontre à la bibliothèque, à sa disparition subite le soir de Noël, et même nos débats houleux en cafetière électrique projetée, tout. Elle m'avait offert en échange un restaurant italien, et la façon dont elle me regardait, installée en face de moi, je vis qu'elle commençait à comprendre ma vie, à défaut de l'accepter. Nous nous sommes séparés à la tombée de la nuit. Je l'ai regardée partir un peu plus vieille, un peu plus laide, formatée à jamais pour l'ordre et la prudence, les gosses, le mari, le ménage. Elle aurait pu être belle. Elle avait trop de retenue. Elle n'osait pas. Puis Colette a disparu de la nuit. Elle reviendrait. Elle revenait toujours. Je dormis un peu mieux que d'habitude, apaisé, réconforté par la gentillesse des maréchaux, bercé par la douceur de Colette, tout empli d'une espérance nouvelle qui bientôt frapperait à ma porte, parce que c'était ainsi, parce que le malheur, pardi, faut bien qu'il se repose, hein. Longtemps que je n'avais roupillé de la sorte. Depuis la disparition de Madame Roberts, mes nuits n'étaient que tintamarres et gesticulations, toujours me demander si j'aurais au matin encore assez de force pour avancer, trouver du sel à mettre dans le potage. C'est le téléphone qui sonna. Ogier avait retrouvé mon petit moineau, et il jubilait, le flic. « Alors, je vous l'avais dit ou non ?» Je restais abasourdi un court instant, privé de voix. « Vous m'entendez, monsieur Campagne ? Je sais où se cache votre ami. »« Est-ce que je peux la voir ?» demandai-je. « Ce n'est pas aussi simple. Retrouvez-moi au bar habituel vers 10 heures. Ça vous va ?»« Pourquoi pas maintenant ?»« J'ai un métier, monsieur Campagne. À 10 heures. » Et il raccrocha. « Tu parles si j'étais bien là avant 10 heures, le cul sur un tabouret du comptoir de cette brasserie. Nous avons eu l'habitude de nous retrouver, lui et moi. » Je guettais sa venue parmi le va-et-vient des clients. Nous étions jeudi, jour de marché. La salle était pleine, aucune table de libre. Pas facile de patienter quand on est seul au comptoir, malgré les solitaires, de part et d'autre, venus se rincer la dalle avec un vin blanc râpeux. Et derrière nous, les tables réunies à 4 ou 5 autour d'une carafe ou d'une soucoupe de cacahuètes. Il reste les bouteilles sur l'étagère de la glace murale. On peut en faire le compte, elles sont toutes alignées au garde-à-vous, les alcools et les sirops. Plus des uns que des autres, parce que ça picole dur dans notre petite ville de province, pas seulement rue de la soif, pas juste le soir. C'est la vérité d'un monde en pénitence depuis le Moyen-Âge, derrière des murs de granit, certifié conforme, faut bien tuer l'ennui. Ogier a débarqué dans mon dos, je ne l'ai pas vu venir. Il a posé une main sur mon épaule. J'aurais pu m'attendre à la phrase rituelle, « Suivez-moi, vous êtes en état d'arrestation. » Mais non, il a juste dit, « Il y a un monde fou aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes jeudi. » On devrait changer de crèmerie. Les traditions se perdent. Avec plaisir, ai-je dit. Je l'ai entraîné place Saint-Sauveur, c'était de circonstance. La table du fond, celle qui nous avait reçus, elle et moi, était libre. Avant de commander à boire, je lui racontai notre passage ici, des mois auparavant. Madame Roberts était dans une forme éblouissante, sa beauté irradiait. Elle avait un kirkassis, peut-être deux. De quoi vous-nous parlez? Mais de nous, bien sûr. De mon projet d'écrire une grande et belle œuvre que je laisserai en héritage à mes enfants. Et quand elle a su que je n'avais ni femme ni enfant, vous savez ce qu'elle m'a dit, Madame Roberts? Ben, elle m'a dit comme ça que mon affaire est mal engagée. Ogier m'a interrompu. Aujourd'hui, a-t-il dit, je crois que c'est son affaire qui m'a engagée. Le serveur posait 2 demi sur la table. Oui, alors dites-moi tout. Vous savez où elle se cache? Vous l'avez vue? Comment est-elle? Je veux parler de sa santé, bien sûr. Le flic essayait d'endiguer ce flot de questions. Patience, monsieur Campagne. Mais d'abord, dites-moi, vous avez une petite idée de l'endroit où elle se trouve ? Si je me base sur les cours donnés à l'école de police, je pencherai pour une ferme biologique de la plaine de Taden. Bien raisonné, me dit-il, puis il me raconta dans le détail tout ce qu'il avait appris. Madame Roberts vivait depuis environ 2 mois dans la ferme du prospectus. Elle se formait à l'agriculture biologique et travaillait en échange du gîte et du couvert. C'est la version officielle, précisa Augier. En réalité, elle mène une vie d'errance dans la campagne, ne dort que 2 heures par nuit, disparaît 2 jours, réapparaît en piteux état, se calme par manque d'énergie, puis tout recommence. Le premier étage, et je murmurai. Les dirigeants de la ferme l'ont pris en affection, continua Augier, en pitié peut-être. Alors ils tolèrent toutes ces extravagances. Des gens très sympathiques, originaires de Nantes, qui ont tout quitté pour s'installer ici. Lui était professeur d'histoire agrégé, elle journaliste. Quand je suis arrivé, votre amie était présente, mais je n'ai pas demandé à la voir. Comprenez-moi, elle aurait pu s'effrayer, disparaître à nouveau et ne plus revenir. Je n'ai pas pris le risque. J'ai quitté la ferme et nous en sommes là. Le couple m'a promis de ne rien dire, de la surveiller de près et de m'informer au moindre changement. J'espère qu'ils le feront. Le reste de la conversation, je devrais dire du conciliabule, tourna autour des précautions à prendre, des choses à faire ou ne pas faire. Il me fit promettre de ne pas essayer de la contacter. Pas même une lettre. Surtout pas une lettre. Ça voudrait dire que vous connaissez son adresse. Il n'est pas question de se pointer à la ferme, la gueule enfarinée. « Salut, Miss Roberts, c'est Mézig. Je viens vous délivrer de vos ravisseurs. » Par respect pour M. Maréchal, qui était à l'origine de cette enquête, je n'avais pas le droit d'intervenir. 10 jours plus tard, au même endroit, Augier me fit un compte-rendu alarmant de sa seconde visite à la ferme. Il en revenait. Le couple l'avait alerté. Madame Roberts était de plus en plus incohérente. Elle partait à l'aube, toujours en direction des bords de Rance, revenait à la nuit tombée, s'enfermait dans sa chambre et refusait de s'alimenter. Un médecin, appelé en catastrophe, avait diagnostiqué une déshydratation sévère, tension au ras des pâquerettes, un pouls faiblard. Le toubib ordonnait une hospitalisation d'urgence. Je me suis rendu à la ferme le même jour à Diogier. J'ai demandé à voir votre ami. Elle m'a reçu dans sa chambre sous l'insistance du couple. « Ce que j'ai vu et entendu ne va pas vous plaire, monsieur Campagne. » Ma gorge s'était serrée. Je restais silencieux, et c'était un silence d'encouragement. « Elle est très faible, » a repris Augier, « très amaigrie, n'a plus que la peau sur les os. » Je lui ai parlé de vous, de votre inquiétude profonde, des jours et des nuits passés à sa recherche. Elle m'a dit « Je suis désolé. Il a été bon pour moi. Il ne méritait pas ça. » Mais j'ai préféré en rester là. Notre histoire aura pris fin sur une note joyeuse, au rez-de-chaussée. Il comprendra. Augier continua. Nous avons aussi parlé de sa fille, restée à Sainte-Lucie. Et à ce propos, j'ai l'impression qu'elle baissait les bras, qu'elle n'y croyait plus ou manquait de force. Quand j'ai quitté la ferme, tout le monde attendait une ambulance. Je serai prévenu dès l'hospitalisation, ils ont promis. Nous sommes restés un long moment à ne rien causer. Je lui savais gré intérieurement d'avoir dit l'essentiel, sans digression, de ne pas m'avoir questionné sur la note joyeuse au rez-de-chaussée. Augier ne posait jamais de questions intimes. Je lui en parlerai un jour, peut-être. « Mon téléphone peut sonner dans 10 minutes ou dans 10 heures, » me dit-il en se levant. « On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Rentrez chez vous et attendez mon appel. » Il me serra la main. Je l'ai sentie plus forte que d'habitude, la poignée de main, comme si c'était la dernière. Il y eut 2 appels et ce fut tout. Le premier, bref, m'informa que Madame Roberts avait disparu quelques minutes avant l'arrivée de l'ambulance. Des recherches commençaient, mais la nuit allait tomber. Par le second, au matin, j'appris qu'elle avait été découverte, allongée sans connaissance au bord de la Rance, par un passionné d'ornithologie. On l'avait transportée à l'hôpital de Dinan. « Vous pouvez répéter ?» ai-je demandé à Augier. « Quoi ? Qui l'a découverte ? Un gars passionné d'ornithologie ?» Je ne pouvais plus articuler un mot. « Il faut vous reprendre, monsieur Campagne. Allez la voir. Maintenant, plus rien ne peut vous empêcher de lui rendre visite. Je vous rejoindrai dès que possible. » Je me suis réfugié dans ma chambre. Après un temps d'immobilité, j'ai relevé la tête. Mon regard s'est posé sur le portrait accroché au mur, ce portrait qu'elle avait fait de moi un jour pas si lointain de folie créatrice. Il m'a paru encore plus effrayant de vérité. Les yeux, teinté de rouge, semblait me transpercer de reproches acerbes, la bouche me criait des insultes. Je suis allé informer M. et Mme Maréchal qui ont reçu la nouvelle avec gravité. L'ancien flic me dit que ce jour voyait l'aboutissement d'une longue recherche, d'une attente pénible, et qu'il y aurait sans doute d'autres épreuves à traverser. Le voisin de palier m'affirma que bientôt, oui bientôt, elle et moi, nous serons réunis au même bonheur. Madame Maréchal demeura silencieuse, hochant la tête et souriant. Je m'accrochai à l'un puis à l'autre, ne sachant si je devais me réjouir ou m'inquiéter. Dans quelle proportion les deux sentiments allaient-ils se mélanger? Si le bonheur amoureux rétrécit l'espace, le chagrin amoureux, ce chagrin qui me collait au basque depuis presque toujours, ce chagrin-là écrasait l'espace, me serrait la carcasse comme dans un étau. Je suis parti la rejoindre vers midi. Je savais qu'on ne me laisserait pas entrer dans sa chambre, pas aussitôt. Alors le trajet fut une longue errance par les rues de la ville. La crainte douloureuse de ce que j'allais découvrir freinait ma hâte de la revoir. Puis, une fois encore, j'empruntai la rue Chateaubriand, accès le plus direct pour me rendre à l'hôpital. Elle semblait porter en elle une sorte de fatalité ironique, la rue. Les hôpitaux particuliers se dressaient de part et d'autre. Immuables témoins passifs de granit, posés là en observateurs de la comédie humaine. En haut, là où débute la rue, c'était encore la vie, un grouillement de places publiques, des bars avec terrasses, des boutiques, des groupes qui se croisent. « Bonjour, Madame Diveux, comment va la petite dernière ?» Et puis plus bas, là où elle paraît disparaître en campagne, s'évanouir comme à bout de souffle, silence hôpital, paroles murmurées, tête basse, la mort peut-être. À gauche, un conseiller fiscal, costumé de gris, déçu en amour, viré clochard lumineux, fringué Lacoste. À droite, un malfaisant tourmenté estourbi des bijoux afin d'assurer la béquille à un petit moineau défait. La rue avait été tracée hors les remparts, afin peut-être de s'affranchir du poids des siècles, de fuir les contraintes de l'enfermement. Il devait exister ici ou là quelques sombres secrets cachés derrière les façades grises et les rideaux épais qui, parfois, se soulèvent. Enfin, je l'ai vue. Elle était plongée dans le coma. On aurait dit une morte. Je ne raconterai rien là-dessus. J'ai pas les tripes. Je suis allé la voir chaque jour, en début d'après-midi, et suis revenu chaque jour en soirée aussi dévastée que le premier. J'étais seul avec elle. Je m'asseyais à son chevet et je lui tenais la main. Une main qui n'était pas plus lourde qu'une plume de moineau, mais aussi brûlante qu'un désir. On se parlait beaucoup. Je le faisais à voix basse, presque en chuchotement, comme l'aurait fait mon pot de zizou, parce que j'avais la trouille des infirmières et des sous-préfets. Elle me répondait pareil, elle était de bon poil, tout le temps, malgré l'absence de cafetière électrique. Alors j'en profitais pour lui dire ce que je n'avais jamais osé, mais qu'elle savait. Combien je pinçais pour elle depuis le premier jour, à la bibliothèque municipale, que j'étais mort du profond, le palpitant à la gigote. Et je croyais que ces petits mots de pacotille qui lui blessaient les yeux lui seraient doux à entendre. Et à chaque instant, je m'attendais à la voir se lever, monter sur une table et danser un flamenco endiablé. Je lui racontais les exploits de Madame Bron, que maintenant elle nettoyait le carrelage avec sa langue, l'essuie avec ses cheveux, descendait les 6 étages à toute berzingue sur la rampe d'escalier en criant à l'abordage. Et puis les maréchaux, hein? Fallait pas les oublier, les maréchaux, à cause qu'ils demandaient toujours de ses nouvelles, tout en grignotant des biscuits trop secs. Elle était attentive à mes divagations. Alors parfois, je m'enhardissais. « M'aimez-vous un peu, Madame Roberts ?» Il me semblait voir ses lèvres blanches frémir. Je ne voyais point, Monsieur Campagne. Là-bas, j'ai rencontré sa fille et son ex-mari. Le moment fut houleux avec ce dernier. Colette n'est jamais venue. Mais un jour, j'ai croisé Augier, rapidement, à cause de son travail. Et quand il est reparti, j'ai dit à Madame Roberts qu'elle pouvait ouvrir les yeux. Maintenant, la garde à vue était finie. Mais ses yeux sont restés clos. À cet instant, je suis accoudé à la fenêtre du salon. Elle est orientée plein sud, pas très loin, en contrebas. J'aperçois la toiture en ardoise de l'hôpital. Je ferme les yeux. Un petit moineau défait, encore tremblant de froid, se dirige vers les remparts. Il peine à remonter la rue Chateaubriand qui grimpe raide. Enfin, il arrive au-dessus de la bibliothèque municipale, en fait le tour 2 fois, puis reprend son vol. Il vient vers moi, il est là. J'entends un bruit sec, comme un coup de bec d'oiseau, j'ouvre les yeux. Alors me vient cette idée réjouissante de ne pas écrire une œuvre, ni grande, ni belle. Non. Parce que tous les instants passés à vous attendre, mon amour, seront notre histoire, absolument. Une histoire sans point final et presque pas de virgule. Une histoire sans point final et presque pas de virgule. Une histoire que nous raconterons le soir à la veillée, aux enfants disparus. N'est-il pas ? Ainsi s'achève Madame Roberts par Lucien Méronin.